Peu après, Madame Desforges, pour se venger de Denise, dont elle est jalouse, et de Mouret, qui n'est plus aussi assidu à ses traditionnels thés du samedi, fait venir Denise chez elle, lors d'un de ses thés, prétendument pour que Denise retouche un manteau. Ce jour-là, Mouret ne se rend chez Madame Desforges que dans l'espoir de relancer le baron Hartmann pour l'aider dans ses nouveaux travaux au bonheur des dames. Mouret assiste alors à un violent conflit entre Denise et Madame Desforges. Après bien des tentatives d'apaisement, Mouret met fin au conflit, console Denise et rompt finalement avec Madame Desforges.